parlant d'un gars qui sait vendre son produit étant lui-même et sa propre personne. on retourne au meilleur moment d'assemblage requis. Par contre, cette fois-ci, c'est un bloc spécial. On fait ça une fois de temps en temps quand ça vaut la peine. Oh. Voici un Ferron classique. Arrêtez la chanson, place à être plus beau. Ferron! Ouais! Wow! C'est comme une mini-fureur. Une mini-fureur. Il fait fureur. C'est David Ferron. Voici ses meilleurs moments de cette semaine. J'ai eu des nouvelles de Gustave. Ah non, pour vrai? Oui, ben, il est parti en vacances. Là, tu commences à parler de Gustave sans avoir mis en contexte nos auditeurs requins préférés. On se rappelle, Gustave est ton frère jumeau diabolique, pas si à moi, malheureusement. Némésis. Il y a quelques mois quand même. Grand fanatique de Windows 8, s'appelle Gustave La Fenêtre. Il n'arrêtait pas de faire de la pub pour Windows 8. Gros fendant, etc. Bon. Donc, il était revenu plus tard dans la série, Assemblage requis, avec sa moustache. C'est la façon qu'on réussit à différencier les deux. J'avais tiré sur un des deux parce que j'étais pas sûr. Des fois, tu te mélanges dans le feu du moment, si tu sais pas si c'est lequel, fait que tu tires sur un gars. Je pense avoir tiré sur Gustave. Gustave est venu prendre sa revanche, a essayé d'étrangler David. David était dans un coin, était mourant. Finalement, David a réussi à prendre sa revanche sur Gustave. Gustave était mort aux dernières nouvelles. J'avais lu sur Facebook qu'il était mort. Là, t'as des nouvelles de lui. C'est bon, tout le monde est au courant. Ben oui, en fait, il s'est réfugié en France et là, il a rencontré une éléphante. Une éléphante? C'est une femme de plus de 600 livres. Ah, oh, c'est méchant. Une femme avec une trompe. une chimère. Son ex est un feeder, là, c'est pour ça qu'il est vraiment énorme. Oh, wow. Elle aime bien manger des grosses cacahuètes. Ah, t'as dit caca. Aïe. Mais c'est ça, elle a rencontré une éléphant femelle. Okay. Mais ça a l'air que son amie Brigitte Bardot lui a appris que cet éléphant-là souffrait de tuberculose. Donc Gustave est triste et en maudit à la fois parce qu'il va peut-être perdre sa blonde, mais en même temps, il est un peu déçu parce que là, ça se peut qu'il meure de tuberculose. Mais moi, je suis pas déçu qu'il meure de tuberculose. C'était David Ferron, merci pour ta chronique. Ferron! Je pense que je vais le faire à chaque fois et à chaque fois je vais être tellement content que je vais dire yeah en ondes, ça va être la fin. Ce que je trouve agréable avec cet instant classique-là, c'est que. Ah, j'ai oublié de te muter le micro. dis un instant classique. Donc, ce qui était bizarre. Dis un instant classique. Avec un instant classique. Bah, là, j'étais plus prêt. Laisse faire. Ok, Armé, doigt sur le piton, on va le refaire. Je pense que je suis avare un petit peu, là. Je pousse la chance un peu. Okay. Bon. 3, 2, 1. Ferron! Ah, ça marche. Là, les amis, ça fonctionne pas. Bon, échec. Bref, ce que je voulais dire, c'est que je fais comme une joke de caca qui a pas vraiment de contexte et j'ai juste l'air scatophile. Mais il y avait un très beau contexte juste avant, donc allez écouter l'émission au complet parce que c'était vraiment cool. Si vous voulez comprendre le contexte, écoutez 2 heures d'assemblage requis. Ça fait Oui, je le fais souvent. C'est ça. A loser! Hop, excuse-moi, je vais traiter toute notre histoire là, de loser. C'est le fun. Quoique je suis le principal auditeur de cette émission-là, parce que je m'écoute moi-même parler. Oh. Écoutez, David Ferron a sa chronique La langue dans ton oreille, comme c'était pas assez douteux comme ça, les mercredis matins à 8h.